Chapitre 4. Fernando avait péri dans le combat. Peut-être avais-je tué moi-même ce petit muletier, devenu un redoutable bandit, et délivré de ma main la Pépita. Le hasard aurait ainsi fait de moi un héros. Mû par un sentiment de pitié, j'avais pris la jeune fille sous ma protection, et cette générosité me causait un certain embarras. Quand elle sut qu'elle n'avait plus de mère, il me fallut lui apprendre moi-même cette fatale nouvelle qui s'était répandue dans le pays. Pépa versa un torrent de larmes et me supplia de l'emmener avec moi. Fugitif et proscrit comme je l'étais, j'avais assez à faire de me sauver seul. Mais comment résister aux supplications d'une orpheline qui ne comptait plus sur la terre ni parents ni amis? Tant que la compagnie de miliciens marcha réunie, Pépa ne me gênait guère. Chacun de mes compagnons était pour elle un frère d'armes. Nous nous intéressions tous à ses malheurs. Elle nous paraissait d'autant plus digne de pitié que nous nous trouvions dans une situation assez précaire et hors d'état de lui assurer une sécurité complète. D'un camp de bandits, elle était tombée au milieu d'une poignée de soldats vaincus, de citoyens proscrits. Elle semblait n'y pas prendre garde et nous suivait à cheval. Ce n'était plus l'indolente Pépita, au regard doux et voilé, qui semblait sommeiller sous l'aile de sa mère. Elle se montrait vive, alerte, courageuse, et s'efforçait surtout de ne mettre à charge en aucune façon. Loin de là, durant les haltes, elle m'accablait de prévenances, de mille petits soins qui me touchaient profondément. Elle m'appelait son libérateur, son sauveur, et je me disais « Mathéo, tu ne l'abandonneras pas, ce serait une lâcheté. » Cependant, nous sortîmes de la province de Cordova, et arrivés sur la frontière de celle de San Luis, nous dûmes nous séparer. Entrer encore sur le territoire d'une province voisine, c'eût été courir le double risque de nous voir traités comme des rebelles ou poursuivis par des brigands. Nous nous dîmes adieu en nous souhaitant mutuellement bonne chance. Mes compagnons s'éloignèrent et je restai seul avec Pépa. Ma première idée fut de la laisser à San Luis, sous la garde de quelques respectables duègnes. Mais dès que je lui en fis la proposition, elle versa tant de larmes que je fus attendri et je cédai. Ce jour-là, je compris qu'elle n'avait jamais aimé ni Fernando ni Gil Pérez. Peut-être avait-elle pris au sérieux les compliments que je lui prodiguais autrefois sur la grâce de son chant. Peut-être aussi, après avoir été si longtemps opprimée et forcée de ne ressentir que de la haine pour ceux dont elle partageait forcément l'existence, éprouvait-elle le besoin d'aimer quelqu'un. Il ne lui restait plus de famille, le hasard m'avait jeté sur sa route, dans une circonstance où je devenais son unique et dernier appui, elle se prit d'affection pour moi. Les attentions dont elle m'entourait redoublaient chaque jour. Elle veillait sur moi pendant mon sommeil, moins comme une compagne affectueuse que comme une esclave fidèle. En un mot, elle continuait, sans s'en apercevoir, la vie vagabonde à laquelle la brutalité de Fernando l'avait condamnée, avec cette différence qu'elle s'y abandonnait librement. Une fois les frontières de ma province franchies, je pouvais, sans trop de péril, me diriger à petite journée sur Mendoza afin de traverser les Andes. J'avais du temps devant moi. La révolution qui me chassait de Cordova n'avait pas éclaté encore dans les pays situés au pied de la cordillère. Nous faisions halte dans les maisons de poste. On nous y accueillait souvent avec assez de sympathie. Pépita passait pour ma sœur, et c'est, en vérité, le nom que je lui donnais au fond de mon cœur à la pauvre enfant. Car enfin, je pouvais, par charité, l'associer à mon existence errante et me dévouer pour elle. Mais l'aimer, je vous jure que cela n'était pas. À Mendoza, je renouvelais l'offre que je lui avais déjà faite à San Luis de la confier à une famille aisée qui aurait soin d'elle comme d'un enfant adoptif. Elle éclata en sanglots, puis se coucha à mes pieds en disant « Mathéo, si tu me quittes, je mourrai là, sur l'empreinte de tes pas. » Je sais bien que ce ne sont pas là des choses qu'il faut prendre au sérieux, mais encore, n'ose-t-on pas pousser à bout une pauvre créature qui se fait si petite et si dévouée. À Mendoza, je fus rejoint par quelques-uns de mes camarades qui se disposaient, comme moi, à gagner le Chili. En temps de guerre civile, quand on appartient au parti vaincu, le plus sûr, c'est encore de s'expatrier. La saison était assez avancée. Les neiges rendaient ce passage dangereux et surtout pénible. Mes compagnons exhortèrent Pépita à rester à Mendoza jusqu'au printemps. N'était-elle pas certaine de nous retrouver à Santiago? « Non, non, répondit-elle, qui soignerait Mathéo dans la montagne. Elle s'occupa elle-même avec activité des préparatifs du départ. Le Chili et sa vallée du paradis, Valparaiso, nous apparaissaient, à Pépita surtout, comme une terre de salut qu'il fallait gagner au plus vite pour oublier nos misères et nous reposer de nos fatigues. Nous partîmes enfin, pourvus de couvertures et de peaux de mouton, pour nous abriter contre le froid. Quant à nos armes, nous les abandonnâmes comme un poids inutile. Nous n'avions désormais à nous défendre que contre les rigueurs de l'hiver. Tout alla bien jusqu'à ce que nous eussions atteint la région des neiges. Mais là, de nouvelles épreuves nous attendaient. Il s'agissait d'abandonner nos montures et de gravir à pied, en portant des sacs de provisions et de combustible sur nos épaules, ces montagnes gigantesques coupées de précipices et de torrents et glacées presque jusqu'à la base. Chacun de nous s'enveloppa les jambes de fourrure et noua un mouchoir autour de ses oreilles. Outre les provisions, qui pesaient bien une vingtaine de livres, nous traînions avec nous nos brides et nos selles. On nous eut pris pour des cavaliers démontés que le gros de l'armée a laissés en arrière et qui suivent de loin, pliant sous le poids du butin. Pépita, le visage et le cou enveloppés d'un grand châle, marcha bravement à mes côtés, sans se plaindre de la fatigue. Quand nous avions à gravir un roc escarpé, tapissé de neige épaisse, elle s'élançait en riant à la tête de la colonne. Puis, arrivée au sommet, elle redescendait à pas précipités, sautant d'une pierre sur l'autre comme une chèvre. Nous avions beau lui dire de ménager ses forces, rien ne l'arrêtait. Elle avait juré de découvrir la première les vallées du Chili. Pendant 3 jours, nous avançâmes ainsi. 20 fois, nous tombâmes sur de la neige durcie par la gelée. 20 fois, nous faillîmes rouler dans les précipices entr'ouverts sous nos pas et au fond desquels nous entendions mugir, sous des ponts de glace, des torrents furieux. Les seuls êtres vivants qui se montrassent à nos regards étaient de grands condors qui planaient tristement sur ces mornes solitudes et se posaient, pour nous voir passer, sur des pics couverts de glaces éternelles. Nous touchions enfin le pied de la Crombe, dernière cime qui nous resta à gravir avant de redescendre vers des climats plus doux et de toucher cette terre chilienne si ardemment désirée. Il soufflait un vent glacial, des tourbillons de neige commençaient à tomber. Il devenait douteux que nous puissions accomplir le lendemain l'ascension de la Crombe. Nous campâmes de bonne heure dans la petite hutte qui porte le triste nom de Casucha de Calavera, la cabane de la tête de mort. Afin de ranimer nos membres engourdis, nous fîmes chauffer le peu de vin que contenaient encore nos cornes de bœuf, et après l'avoir bu, nous nous couchâmes sur nos couvertures. Pépa était si lasse qu'elle s'endormit en posant sa tête sur son sac de voyage. Craignant que le froid trop vif de la nuit ne l'incommodât pendant son sommeil, je jetai doucement mon poncho sur ses pieds. Que de fois elle m'avait rendu pareil service. Vers minuit, un de mes compagnons sortit pour examiner le temps. Le vent n'avait rien perdu de sa violence, mais il ne neigeait pas. On apercevait les étoiles qui brillaient d'une vive clarté. Nous nous consultâmes pour savoir si nous devions partir à l'instant même ou attendre le jour. La réverbération du soleil sur la neige avait tellement fatigué nos yeux que nous avions pris le parti de marcher dans l'obscurité toutes les fois que la route n'offrait pas de danger réel. Il nous sembla que nous pourrions, sans difficulté, aborder au milieu des ténèbres cette rampe, presque perpendiculaire à la vérité, mais qui ne cachait aucun précipice. Le désir que nous ressentions de franchir la frontière et de poser le pied sur la Crombe, qui marque la limite entre les provinces argentines et le Chili, l'emporta sur la prudence. On donna le signal du départ. En quelques minutes, nous fûmes debout. Pépa s'éveilla, roula ses couvertures et les jeta sur son dos par-dessus son petit havresac. Je remarquai que ses pieds étaient enflés et qu'elle marchait avec un peu de peine. « Ce n'est rien, » répondit-elle avec un sourire. « Le voyage tire à sa fin. Je me reposerai bientôt. » Et elle se mit à courir lestement, comme pour me prouver qu'elle était de force à me suivre. Nous commençâmes à monter. Un épais brouillard chassé par le vent nous enveloppa bientôt. Nous ne voyions plus les étoiles, tout était blanc comme un linceul autour de nous, le ciel, la terre et les montagnes. Cette brume compacte qui tombait sur nous par rafales oppressait nos poitrines. Peu à peu, elle se changea en une pluie glacée qui nous fouettait la face en nous piquant la peau comme des pointes d'aiguille. Nous cheminions dans un morne silence, courbés sur nos bâtons, nous aidant parfois du coude ou du genou. Je me trouvais si las que je croyais rêver. Je ne sentais plus mon corps, la tête me faisait grand mal. À quelques pas de moi, j'entendais la neige glacée craquer doucement sous les pieds de Pépita, et je la voyais marcher auprès de moi comme mon ombre. La pluie fine qui nous tourmentait ne tarda pas à se condenser en neige. À mesure que nous nous élevions, elle tombait plus serrée, nous enveloppait de ses flocons et tourbillonnait avec une violence croissante. Elle s'amoncelait si vite autour de nous qu'elle menaçait d'ensevelir celui que la lassitude eût contraint de s'arrêter dans sa course. Cependant, il n'y avait plus moyen de reconnaître la route. Malgré tous les efforts que je faisais pour suivre la ligne droite, je me sentais dévié d'un côté sur l'autre. Un vague instinct me disait que j'errais, au gré de la tempête, comme un navire sans gouvernail. La pensée me vint aussitôt d'appeler Pépa, mais je n'entendis ni sa voix ni celle de mes compagnons. Nous étions dispersés. Il est bien rare qu'un compagnon égaré ne soit pas poussé par sa mauvaise étoile dans une voie tout opposée à celle qu'il doit prendre. Chassé par la bourrasque, engourdi par le froid pénétrant qui régnait dans ces régions si élevées, je marchais au hasard. Pendant combien d'heures, je ne sais. Quand le jour parut, la tempête cessa, le ciel s'éclaircit. Je me trouvais au milieu d'une gorge profonde, encombrée de neige, au-delà de laquelle je ne pouvais rien découvrir que des glaciers, entassés les uns au-dessus des autres. À droite et à gauche s'ouvraient d'autres vallées, à perte de vue, qui se ressemblaient toutes. Qu'étaient devenus mes compagnons? Où était Pépa? Les forces allaient me manquer. J'eus beaucoup de peine à me traîner dans une grotte formée par la saillie d'un rocher, et je m'y assoupis, vaincu par la fatigue. Cependant, comme je l'appris plus tard, mes compagnons, plus heureux que moi, avaient pu se maintenir sur la pente de la crumbe. Quand la tourmente apaisée leur avait permis de se reconnaître, ils s'étaient fait des signes et s'étaient rassemblés sur le sommet de la montagne. Pépa les y avait rejoints bientôt, elle avait les mains et la bouche fendues par le froid, ses jambes ne pouvaient plus la porter. En arrivant auprès de mes compagnons, elle avait demandé « Où est Mathéo ?» Personne n'avait répondu. « Où est Mathéo? Où est-il? Perdu, n'est-ce pas? Égaré dans ces neiges? Vous ne l'y laisserez pas périr, vous, ses amis, ses compagnons. Courons le chercher. » Et elle s'était précipitée en avant d'un pas si délibéré que le reste de la troupe, honteux de voir tant de courage chez une jeune femme, s'était joint à elle. Mes compagnons m'avaient cherché longtemps, sans aucun espoir de me trouver. Après avoir parcouru en tous sens les gorges profondes qui s'ouvraient devant eux, ils avaient acquis la certitude que leurs efforts n'amèneraient aucun résultat. Il était évident pour eux que j'avais péri sous une avalanche. Seul Pépa ne voulait pas renoncer à l'espérance de me découvrir. Esperaba desperada. À force de promener ses regards sur l'immensité glacée, elle distingue l'espèce de caverne où j'avais cherché un refuge. Il lui semble qu'une forme humaine se dessine sous ce roc creusé par la nature pour offrir un abri aux voyageurs égarés. Sans dire un mot, elle se précipite en droite ligne vers le point qui l'attire. Elle court, la neige s'affaisse sous ses pas, mais elle se dégage et avance de nouveau, malgré les avertissements de mes amis qui la rappellent en arrière. Pour toute réponse, elle leur fait signe de tourner la vallée et leur montre du doigt le rocher qu'elle veut atteindre à tout prix. Les hommes qui la suivent m'ont bientôt rejoint, ils me réchauffent les mains, me frottent le visage avec quelques gouttes d'eau-de-vie, me remettent debout. Mes yeux s'ouvrent puis se referment, la lumière du soleil levant m'avait ébloui. J'entends alors un cri de détresse qui m'arrache à ma stupeur. Je me relève, c'est la voix de Pépa. Elle s'était imprudemment avancée au-dessus d'un précipice que la neige tombée pendant la nuit dérobait à nos regards. Près de sombrer dans l'abîme, elle sentait, sous le poids de son corps, fléchir et céder cette nappe épaisse, mais trop peu solide. Je me précipite pour la secourir. La neige fraîche qui comblait l'étroite vallée se refusait à soutenir la jeune fille. Pourrait-elle me porter? Au premier pas que je fis en avant, j'enfonçai jusqu'au cou. « Mathéo, Mathéo, ne viens pas !» criait Pépita, et je reculai. Un condor, descendu perpendiculairement du haut des airs, effleura de ses ailes gigantesques le visage de Pépa. Elle eut peur. Cherchant à se dérober aux serres du grand oiseau, elle rentra sa tête dans ses épaules, fit un mouvement pour se cacher sous la neige, et ne reparut plus. Nous restâmes quelque temps immobiles d'effroi et de douleur, les yeux fixés sur la place où s'était engloutie la jeune fille. Nous ne vîmes plus rien que le soleil, qui étincelait sur cette solitude glacée. J'étais sauvé, mais ma délivrance avait causé la mort de Pépa. Achevant son récit, Mathéo poussa un soupir et leva les yeux vers les cimes neigeuses des Andes. « Soyez franc, lui demandai-je. Avouez, la main sur la conscience, que vous finissiez par aimer Pepa et que vous l'avez pleurée. »« Je ne m'en défends pas, répondit le Cordovès. » Quand se déroulèrent à mes regards les verdoyantes vallées de la province d'Aconcagua, je regrettai vivement de n'avoir plus à mes côtés la pauvre fille. J'éprouvai un serrement de cœur. Elle eut si vite repris sa fraîcheur à l'air vivifiant de ces douces régions. Au fond, cependant, je n'ai rien à me reprocher, si ce n'est d'avoir fait semblant de l'aimer autrefois, quand je m'arrêtais chez sa mère à la Esquina. Mais, mon ami, chacun a ses défauts. Pour mon malheur, j'ai celui de chercher à plaire à toutes les dames que je rencontre, et c'est un défaut capital dans un pays comme le nôtre, où se vérifie trop souvent le vieux proverbe « Il ne faut pas jouer avec l'amour ».